il y a toujours au moins deux comptes. Il se peut qu'il y ait trois comptes, mais toujours au moins deux. Quels sont les comptes? Eh bien, nous avons le matériel roulant et le compte fournisseur, c'est-à-dire la dette vis-à-vis du fournisseur. Vous voyez que c'est une question d'exercice. Lorsque vous avez identifié le compte matériel roulant ou le compte fournisseur, c'est un jeu d'enfant de savoir ce qu'il faut faire. Eh bien, matériel roulant, c'est un compte de quoi? Actif, passif, charge produit? Actif. Est-ce que c'est un actif immobilisé ou un actif circulant? C'est un actif immobilisé parce que si vous achetez un camion, c'est pour transporter des marchandises ou autre chose et vous allez le garder pendant plusieurs années. C'est un actif immobilisé. Fournisseur, c'est un compte de passif parce que c'est une dette. Toutes les dettes, parce qu'elles expliquent l'origine des ressources, sont des comptes de passif. En fait, une fois que vous avez franchi cette deuxième étape, c'est un jeu d'enfant de faire le reste. Donc, le matériel roulant, c'est un compte de l'actif augmente. Pourquoi est-ce qu'il augmente? C'est parce que l'entreprise a un camion en plus. Ou elle a un camion, elle n'en avait pas. Donc, c'est un compte de l'actif qui augmente. Un compte de l'actif qui augmente, il est débité. Le compte fournisseur, c'est une dette qui augmente, puisqu'on a une nouvelle dette vis-à-vis d'un fournisseur. Lorsqu'on va la payer, on va la diminuer. Pour l'instant, c'est un compte de passif qui augmente. Un compte de passif qui augmente est crédité. D'accord? Donc, si je devais ouvrir un compte matériel roulant, je n'ai pas de place pour l'indiquer. En fait, j'ai l'explication totalement scandaleuse. Donc, il va y avoir une pièce de théâtre jeudi. Et celui qui organise cette pièce de théâtre a déjà installé du matériel sans savoir qu'il y a des cours. Voilà. Donc, on va enlever ça à 13h. Évidemment, ça ne fait pas mon bonheur. Et voilà. Donc, question supplémentaire, on vient d'acheter un camion et nous avons une dette vis-à-vis du fournisseur. Alors attention, je vais maintenant faire intervenir des opérations d'un genre un peu particulier. On paye le conducteur du camion. Donc vous avez acheté un camion et il y a un membre du personnel qui conduit ce camion et vous payez le salaire de ce chauffeur. Quels sont les comptes qui interviennent? Eh bien, nous avons le compte banque parce que il y a par exemple une sortie de 5000 euros qui sort du compte banque. Il y a 5000 euros qui sortent du compte banque. C'est un compte de l'actif qui diminue, ça on le sait, puisque c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on augmente le compte banque. Donc c'est un compte de l'actif qui diminue. Il faut le débite ou le crédite? Il faut le créditer. En contrepartie, vous avez une charge salariale. Vous avez le salaire du conducteur. Charge salariale. Alors, si le compte banque duquel vous prélevez les 5000 qui ont été virés au conducteur est un compte de l'actif qui diminue, vous avez crédité. Qu'en est-il du salaire? C'est un actif, un passif, une charge ou un produit? C'est une charge. C'est le salaire, c'est le temps qui est mis à disposition par le chauffeur que vous payez. Ce n'est pas un actif. Ça ne doit pas apparaître à l'actif du bilan. C'est du temps qui a été consommé, c'est une charge. Une charge qui augmente et qu'il faut débiter. D'accord? Essayons de prendre encore quelques comptes de charge et quelques comptes de produits. Et donc, tant que vous passez par ce type de raisonnement, vous ne pourrez jamais vous tromper. Alors, l'opération suivante, pendant que je fais un peu de nettoyage, c'est le fait. Oui? Alors, on va prendre cet exemple après. C'est vrai que le salaire, pour l'instant, je l'ai payé. J'aurais pu vous dire, vous avez calculé le salaire, mais vous ne le paierez que dans quelques jours. Auquel cas, on aurait eu non pas le compte banque qui diminue, mais le compte dette salariale. D'accord? On fera intervenir cet exemple plus tard. Donc, l'exemple que je vous demande maintenant de passer, de comptabiliser, c'est une vente. Alors attention, vous avez réalisé un chiffre d'affaires, par exemple, de 6 000 euros. Vous vous faites payer 1 000 euros immédiatement sur votre compte à vue et il y a 5 000 qu'on vous payera à 30 jours fin du mois. Donc, comment comptabiliser cette vente qui fait intervenir trois comptes? Nous avons d'abord le compte vente. On a vendu pour 6 000. Nous devons comptabiliser la vente. C'est important pour l'administration fiscale, c'est important pour les actionnaires, pour le personnel, etc. Vous devez passer vos écritures au jour le jour, sans délai ni ratage. Donc nous avons le compte vente. On a perçu 5 000, donc nous avons le compte à vue banque. Et il nous reste 1 000 à percevoir plus tard, donc nous avons une créance sur le compte 1 000. Voilà les trois comptes que vous devez remplir. Donc, les ventes ou le chiffre d'affaires, l'argent que vous avez perçu et celui que vous percevrez à 30 jours fin de mois. Et pour l'instant, c'est sous forme de créance client. Allons-y horizontalement. Vente, c'est un compte de quoi? Actif, passif, charge ou produit. Produit, c'est le principal produit d'une entreprise. Ce n'est pas un actif, ce n'est pas un passif, ce n'est pas une charge, c'est un produit. C'est avec ça que vit l'entreprise, c'est un produit d'exploitation. Continuons horizontalement. On n'avait pas fait de vente, nous venons d'en faire une. C'est un compte de produit qui augmente. Un compte de produit qui augmente est crédité. D'accord? C'est ce qui est indiqué ici. Un compte de produit, lorsqu'il est en augmentation, lorsque vous avez des nouvelles ventes, de nouveaux produits, c'est des comptes de produit qu'il faut créditer. Vous avez perçu 1 000 sur votre compte à vue. On le sait, le compte à vue, c'est le compte de l'actif. Il y a 1 000 en plus sur ce compte. C'est un compte qui augmente. Un compte de l'actif qui augmente est débité. Le compte client, c'est comme le compte banque. Quelle est la différence? Le compte banque, l'argent rentre aujourd'hui. Le compte client, c'est un droit que nous avons de recouvrer notre créance. Et dans 30 jours, on va avoir de l'argent qui rentre. Donc, ce droit sur le client, c'est un actif. C'est un actif qui augmente et qu'il faut aussi débiter. Donc, si on ouvrait des comptes, on débiterait le compte client, on débiterait le compte banque et on créditerait le compte vente. D'accord? Alors, pour voir si vous avez compris, dites-moi ce qui se passe si on recouvre notre créance sur le client. Donc, nous avons vendu pour 6 000. Il y a 1 000 que nous avons encaissés et il y a 5 000 que nous encaisserons plus tard. Imaginons que vous encaissiez maintenant les 5 000. Donc, imaginons que vous recouvriez, c'est le recouvrement d'une créance, vous recouvrez la créance de 5 000. Quelle est l'écriture comptable? Allons-y. Réfléchissez. En réalité, nous pouvons passer n'importe quelle écriture comptable dans une entreprise parce que nous connaissons maintenant la règle qui est à gauche. Eh bien, nous avons le compte client et nous avons le compte banque. Les deux sont des comptes de l'actif. Nous savons. La créance du client est diminuée puisque nous la recouvrons. Nous avons moins de créances sur le client. On avait une créance de 5 000. Maintenant que nous recouvrons la créance, elle diminue, elle passe à zéro. Donc c'est un compte de l'actif qui diminue. Un compte de l'actif qui diminue, il est crédité. Le compte banque est un compte de l'actif qui augmente. Il est débité. Donc, quand vous n'avez que deux comptes, lorsque l'un est crédité, l'autre ne peut être que débité. Lorsque l'un est débité, l'autre ne peut être que crédité. D'accord ? Faisons maintenant une dernière petite opération, et puis on va concrétiser cela avec des comptes. Mais si vous avez compris ceci, vous êtes tiré d'affaire. Si vous n'avez pas compris ceci, il ne faut, pas avancer tant que vous n'avez pas compris. Il faut voir là où il y a un problème. Et le secret, c'est que vous devez vous positionner dans la comptabilité de l'entreprise. Il ne faut pas regarder ce qui se passe chez le client. Il ne faut pas regarder ce qui se passe chez le fournisseur. Ici, vous avez fait des ventes. Vous avez encaissé une partie, vous encaisserez une partie plus tard, eh bien, vous venez de l'encaisser. C'est dans la comptabilité de l'entreprise et pas dans la comptabilité de ses fournisseurs, de ses clients. Opération suivante, pour laquelle je vous laisse un peu de temps. Vous achetez un PC pour 1000 euros. Et vous achetez des fournitures de bureau pour 10 euros. Et vous payez le tout par banque. Donc, vous achetez un PC pour 1000, des fournitures de bureau pour 10, et vous payez les 1010 immédiatement. Vous avez donc trois comptes qui interviennent. Quels sont-ils? Et finalement, faut-il les débiter et où les créditer? Donc, en fait, on passe par ces deux étapes, ou ces trois étapes, mais il y a un moment où ça va devenir un réflexe. Sans vous référer à ce tableau, dès qu'on vous dit que vous avez deux ou trois comptes à vous demander, très très rapidement, vous traduisez cela en débit et crédit. Parce que, de la même manière que l'arithmétique fonctionne avec les quatre additions, que sont l'addition, la soustraction, quatre opérations, que sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la comptabilité des entreprises fonctionne avec les concepts de débit et crédit. Votre logiciel, il débite et il crédit. Quels sont les comptes? Trois comptes. Matériel de bureau, ça c'est les PC. Fourniture de bureau, ça c'est les fournitures. Et le compte banque, c'est le compte qui permet de payer 1010 aux fournisseurs. Attention à la deuxième étape, c'est la plus délicate. Pour le matériel du bureau, on le sait, c'est un actif qui augmente, qu'il faut débiter. Pour le compte banque, donc je traite le troisième avant de traiter le deuxième, c'est un compte de l'actif qui diminue et qu'il faut créditer. Ça c'est clair. Qu'en est-il pour le deuxième compte, fourniture du bureau? Vous pouvez légitimement hésiter. Parce que, d'un côté, vous avez un ordinateur qui va être là pendant 3-4 ans. De l'autre côté, vous avez des fournitures du bureau qui vont durer quelques jours. Et donc, les fournitures du bureau qui vont durer quelques jours, quelques semaines, on les considère comme des charges. C'est comme si elles étaient déjà consommées. C'est un compte de charge qui augmente et qu'il faut débiter. Donc, lorsque vous achetez un bien, comme un ordinateur, comme du mobilier de bureau, comme un véhicule, c'est des actifs parce qu'ils vont durer et il faut les amortir à la fin de chaque année. Mais lorsque vous achetez des fournitures de bureau ou lorsque vous payez des salaires ou lorsque vous payez du carburant pour le camion, c'est des charges parce que c'est des éléments qui sont consommés ou qui se consomment. C'est des charges. Alors, est-ce que vous pourriez à la limite considérer le mobilier ou le matériel comme une charge? Si vous le faites, votre expert comptable ou votre réviseur ne seront pas d'accord et l'administration fiscale ne sera jamais d'accord. Pourquoi l'administration fiscale ne va pas être d'accord si vous mettez un camion ou des ordinateurs en charge? Elle va vous dire, mais ce sont des biens qui vont durer plusieurs années. Mettez-la à l'actif et amortissez-les pour les transformer en charge. Pour que vous puissiez comprendre cela, je vais juste prendre un petit exemple. Je vais effacer tout ceci. On va prendre un autre exemple, ça n'a pas d'importance. Imaginons que vous achetiez un véhicule, matériel roulant. Par exemple, vous l'avez acheté pour 40 000. À crédit. Quelle est l'écriture comptable? Et imaginons que vous ne fassiez pas la bonne écriture. Comment allez-vous faire ramasser par votre expert comptable et votre réviseur, et en tout cas inévitablement par l'administration fiscale? Pourquoi ça va déplaire à l'administration fiscale? Voyons d'abord quelle est l'écriture qu'il faut passer. Alors, on sait que le matériel roulant est un compte de l'actif. Donc, je vais mettre matériel roulant, 40 000. Et je mets fournisseur, 40 000. Donc j'ai débité le compte matériel roulant parce que c'est un actif et j'ai crédité le compte fournisseur parce que c'est un compte de passif. Mon écriture est correcte. Imaginons maintenant que je me trompe et je mets le matériel roulant en charge. Donc par exemple, je ne mets pas l'actif, je le mets erronément dans un compte fourniture. Compte de la classe 6, mais on verra le numéro de la comptabilité plus tard. Quel est le problème pour votre expert comptable, votre expert fiscal, votre conseil fiscal? Eh bien, je vais tracer un petit bilan, actif passif, et un compte de résultat, charge produit. Dans cette écriture, le camion, il est là. Le matériel roulant, il est là, le 40 000. Et votre dette vis-à-vis du fournisseur, elle est ici de 40 000. Donc cette écriture pose problème. En quoi elle pose problème? Nous avons mis en charge un bien qui ne se consomme pas en dehors de la vie. Un camion va se consommer en 5 ans, voire même 10 ans. Un véhicule de tourisme s'amortit, se consomme en 5 ans, voire 4 ans. Si vous mettez le camion en charge, ou le véhicule en charge, en quoi ça dérange l'administration fiscale? Eh bien, pour l'administration fiscale, vous avez vos ventes. Imaginons que vous ayez des ventes de 100 000 euros. On va calculer le bénéfice. Le bénéfice, il est de 60 000 euros. Imaginons qu'il n'y ait que ça comme charge. Vous allez donc payer un impôt sur 60 000. Bon, bien entendu, il y a une petite différence entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal, notamment au niveau des dépenses non admises, et ça on verra ça la fois prochaine. Mais globalement, s'il n'y a pas ces dépenses non admises, vous allez payer 34% des 60 000 à l'administration. Et l'administration ne sera pas contente parce qu'elle va vous dire votre bénéfice est beaucoup plus élevé que 60 000. Parce que ce camion, il aurait dû être là, matériel roulant de 40 000. Vous pouvez l'amortir, par exemple, sur 5 ans. Et ça veut dire qu'en réalité, on aurait dû avoir ici non pas 40 000, mais uniquement 8 000. Et là, il nous resterait 32 000. Et le bénéfice, il passe à 92 000. Et donc l'administration va vous dire, vous devez payer l'impôt sur 92 000 et pas sur 60 000. Parce que le camion ou le véhicule, c'est un actif que vous devez amortir à la fin de l'année, donc vos 40 000. Si vous les amortissez sur 5 ans, eh bien, ça fait 20% de 40 000 chaque année. Vous aurez 8 000. Et si vous faites la différence entre les profits et les charges, votre bénéfice, il augmente et vous devez payer plus d'impôts. Donc, l'administration fiscale, l'expert comptable, ne sont pas indifférents à la manière dont vous comptabilisez. Et si un actif est malencontreusement enregistré comme charge, ça change votre base imposable. Vous êtes certain que vous allez vous faire ramasser par le fisc. De toute façon, avant même que le fisc ne voie cela, votre conseil fiscal doit attirer votre attention sur le fait que si vous achetez des crayons, des fournitures du bureau, c'est des charges. Si vous achetez des PC, du mobilier, du matériel, c'est des actifs. Comment les actifs se transforment-ils en charges? À la fin de l'année, via l'amortissement. Donc à la fin de l'année, notre véhicule qui a été acheté à 40 000 a déjà perdu 8 000. Il ne reste plus que 32 000. L'année suivante, il perdra encore 8 000, 20% de la valeur d'acquisition. Il restera 24 000 et ainsi de suite. Au bout de 5 ans, notre véhicule ne vaut plus rien comptablement. Il est amorti. D'accord ? Donc, à un certain moment, on peut confondre un compte de charge avec un compte de l'actif, mais retenez que les comptes de charge, c'est ce qui se consomme en dehors de l'année. Par contre, les comptes de l'actif, c'est ce qui va durer au moins un an. D'accord? Alors, avançons. Nous devons maintenant faire intervenir la La TVA, je vais faire un petit schéma que j'avais déjà fait. Et essayons juste de traduire cette procédure en écriture comptable. Vous achetez pour 100 000 euros auprès de vos fournisseurs, donc vous êtes assujetti à la TVA. Et je rappelle que ce n'est pas vous qui choisissez d'être assujetti ou non à la TVA, c'est en fonction de vos activités commerciales ou non commerciales que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas. Si vous êtes une ASBL et que vous faites du social, de la formation, il se peut que vous ne soyez pas obligé d'avoir un numéro de TVA. Si vous êtes une ASBL et que vous avez des activités commerciales, vous devez avoir un numéro de TVA. Et si jamais vous vendez à vos clients hors TVA, l'administration de la TVA peut dire « Je considère que ce chiffre d'affaires comprend de la TVA et vous devez donc reverser cette TVA. Vous devez diviser le montant par 1,25. » Essayons de comprendre d'abord ce mécanisme. Vous achetez donc auprès de vos fournisseurs pour 100 000 plus TVA. On va passer les écritures comptables. Vous avez donc une dette de 121 000 vis-à-vis de vos fournisseurs. Tant que vous ne les avez pas payés, on a une dette vis-à-vis des fournisseurs et on les appelle nos créanciers. C'est parce qu'ils ont une créance de 121 000 sur nous. Mais quand on s'exprime dans notre comptabilité, on doit dire que nous avons une dette de 121 000 vis-à-vis de nos fournisseurs. Sur ces 121 000, nous sommes en droit, puisque nous sommes assujettis, de récupérer les 21 000 auprès du Trésor, auprès de l'administration de la TVA. Donc, lorsque vous achetez un fournisseur, il y a des 21 000 à récupérer auprès de l'administration. Imaginons maintenant que vous revendiez ces mêmes marchandises quelques semaines plus tard à vos clients au prix de 400 000 plus 21% de TVA. D'accord ? Donc, nous allons avoir 84 000 de TVA. Et tant que nos clients ne nous ont pas payé, nous avons sur eux une créance de 484 000. Dès que vous avez vendu, même si vous n'avez encore rien encaissé, si vous êtes une grande entreprise, pour le 20 du mois qui suit le mois au cours duquel vous avez effectué cette vente, vous devez verser les 84 000 à l'administration de la TVA. Donc, souvent, avant même que vous les ayez perçus de votre client. Donc, on va devoir payer, mais le mettre en rouge pour que ça marque les esprits. 84 000. Et donc, dans votre déclaration de TVA, qui est mensuelle, si vous êtes une grande entreprise, vous allez avoir une TVA de 63 000 à payer. Donc, moins 63 000. À payer. Et les 63 000, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Puisque vous avez acheté pour 100 000 et que vous avez revendu pour 400 000, vous avez une valeur ajoutée de 300 000. Eh bien, 300 000 fois 21%, ça nous fait 63 000. Vous ne payez la taxe que sur la valeur ajoutée. quelles sont les écritures comptables qui correspondent à cette opération? Parce que pour la plupart des entreprises, pour 99% des entreprises qui nous intéressent, il va y avoir des achats avec TVA et des ventes avec TVA. Donc, quelle est l'écriture avec la TVA? Eh bien, normalement, sur tout ce que vous achetez en amont, vous récupérez la totalité de la TVA, sauf sur certains biens particuliers, comme un véhicule. Si vous achetez un véhicule de transport de personnes, d'accord ? Donc une bagnole. Si vous achetez une voiture pour 100 000, c'est déjà un prix relativement élevé, vous ne récupérez que 10 500 euros. D'accord ? Donc le code de la TVA limite ce que vous pouvez récupérer sur une voiture parce que elle est à usage privé une partie de la semaine, une partie de l'année. Votre voiture, vous l'utilisez aussi le week-end, vous l'utilisez pendant les vacances, et on considère que si c'est un véhicule de transport de personnes, vous ne pouvez récupérer que la moitié de la TVA. Par contre, si vous achetez un véhicule de transport de marchandises, si c'est une camionnette, si c'est un camion, vous récupérez la totalité de la TVA. En fait, si vous achetez un véhicule de 100 000 euros, 100 000, c'est pas mal. Alors évidemment, il se peut que vous achetez une voiture hybride pour 100 000 ou 120 000. Là, le raisonnement est différent. Parce que, on le sait, les véhicules hybrides coûtent les yeux de la tête, mais fiscalement, c'est extrêmement intéressant. Vous déduisez la totalité. Imaginons que vous achetiez, vous êtes fleuriste, donc vous avez une PME et puis vous avez une Ferrari. Est-ce que l'administration fiscale s'en fiche de votre Ferrari? Eh bien, pas tout à fait, parce que on va considérer aussi bien fiscalement que vis-à-vis du code des sociétés que cette voiture n'est pas tout à fait en proportion avec votre activité. Si jamais votre entreprise tombe en faillite et que vous ne parvenez pas à payer les dettes, on pourra facilement prouver que vous avez dilapidé les ressources de la société dans des voyages, dans l'achat de la Ferrari, et que vous auriez parfaitement pu acheter une petite Renault et c'était parfait. Pourquoi aller acheter une Ferrari? Fiscalement, on peut considérer que c'est un achat qui n'était pas indiqué et on peut remettre en question la TVA que vous avez récupérée et l'amortissement sur le véhicule. Donc tout se tient. Mais quelle est l'écriture comptable? Eh bien, vous avez acheté donc des fournitures. Eh bien, l'écriture est la suivante. On va indiquer achat de fourniture pour une somme de 100 000. On va indiquer la TVA à récupérer pour 21 000. Et on va indiquer une dette vis-à-vis du fournisseur de 121 000. Alors reprenons un petit peu ces opérations sur lesquelles je suis passé rapidement, mais on les connaît maintenant. Achat de fourniture, c'est un compte de charge qui augmente. Un compte de charge qui augmente, il est débité. Donc je vais remettre les débits à gauche et les crédits à droite. j'ai débité achat de fourniture de 100 000. J'ai une dette vis-à-vis de mon fournisseur, c'est un compte de passif, comme toutes les dettes, et un compte de passif qui augmente est crédité, j'ai donc une dette de 121 000. Comme je suis assujetti, j'ai le droit de récupérer la TVA sur mes achats auprès de l'administration. J'ai donc une créance sur l'administration de la TVA. C'est un compte de l'actif qui augmente et je le débite de 21 000. Comme j'ai une créance sur un client, j'ai une créance sur l'administration de la TVA de 21 000. Quelques semaines plus tard, je parviens à vendre ces marchandises à 400 000. Eh bien, je crédite un compte vente, débit, crédit, donc vente de marchandises. Je le crédite de 400 000. Opération 2. J'ai une créance de 484 000. Donc je vais ouvrir un compte client que je vais créditer de 484 000. Opération 2. Et vis-à-vis de l'administration de la TVA, lorsque je vends 400 000 plus 21% de TVA, ces 21 000 lui appartiennent, même si je ne les ai pas encore reçus. Donc je vais ouvrir, au même titre que j'ai ouvert un compte TVA récupéré sur l'administration, je vais ouvrir un compte TVA payé à l'administration. Donc je vais ouvrir un compte TVA récupéré, TVA payé, pardon, TVA à payer. Que je crédite de 84 000 parce que c'est un compte de passif. Opération 2. Débit crédit. Donc je lis ce que j'ai écrit. J'ai vendu pour 400 000. C'est un compte de produit que j'ai crédité. J'ai une dette vis-à-vis de l'administration de 84 000. C'est un compte de passif qui augmente que je crédite, et j'ai sur mon client une créance de 484 000. Pour voir si vous avez compris, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe si je recouvre mes créances et que je paye mes dettes? Donc, que se passe-t-il? Je vais mettre un peu plus de place en haut. Que se passe-t-il si mon client me paye et que je paye le fournisseur, sachant qu'entre-temps, j'ai dû payer la TVA, parce que l'administration de la TVA vous demande de faire des déclarations trimestrielles si vous êtes une petite entreprise ou mensuelles si vous êtes une grande entreprise, indépendamment de ce que votre client vous a payé ou pas, indépendamment du fait que vous avez payé votre fournisseur ou pas. L'administration regarde simplement les ventes que vous avez faites et les achats que vous avez faits. Si on vous contrôle, on va vérifier la pièce justificative de l'achat, la pièce justificative de la vente, et pas le fait que vous avez été payé. Donc, allons-y. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'écriture qu'il faut passer si mon client me paye, donc si je recouvre mes créances et si je paye mes dettes? Donc, je vais ouvrir un compte banque. Débit crédit. compte client de 484 000. Opération 3. Et je débite la banque de 484 000. Opération 3. D'accord ? Et puis, je paye le fournisseur. Alors, quels sont les comptes qui interviennent pour payer le fournisseur ? Nous avons le compte banque et le compte fournisseur. Le compte banque, c'est un compte de l'actif qui diminue. Il doit être crédité. Le compte fournisseur, c'est un compte de passif qui diminue. Il doit être débité. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais créditer la banque de 121 000, opération 4. Et je vais, donc j'ai crédité la banque et je vais débiter le compte fournisseur. Donc le compte fournisseur, c'est un compte de passif qui diminue, il a été débité. Je le débite ici de 121 000. Le compte banque, c'est un compte de l'actif qui diminue, il a été crédité. Donc, ma dette vis-à-vis du fournisseur est éteinte. Donc, le compte fournisseur est soldé. Le compte client est soldé. Et si je veux établir mon bilan et mon compte de résultat, eh bien les comptes de l'actif et du passif, je les mets au bilan. Les comptes de charges et de produits, je les mets dans le compte de résultat. Donc, les comptes en T, ce que je viens de montrer dans les comptes en T, c'est ce qu'on appelle le grand livre. Alors, avant le grand livre, il y a le journal. Donc, je vais juste expliquer en 6-7 minutes et puis on arrête. Parce que je vous sens amorti, moi aussi. Il y a le journal et le grand livre. Donc, à partir des pièces du publicatif, on fait le livre journal et on fait le grand livre. Le grand livre, on sait comment il fonctionne. C'est ce que nous venons de faire. Mais comment enregistre-t-on les opérations dans le livre journal ? Eh bien, on va voir ça. Vous allez voir, c'est juste la forme qui change. La règle, c'est la même. D'accord ? Donc ça va aller vite. Lorsque vous enregistrez une opération dans le livre journal, comment faut-il faire ? Eh bien, je vais reprendre les deux opérations que je viens de faire, les trois opérations que je viens de faire. Donc, j'achète des fournitures ou des marchandises. J'achète des marchandises pour 100 000. TVA récupérée 21 000. À fournisseur 121 000. De l'autre côté, je revends des marchandises pour 400 000. J'ai une créance de 484 000 et j'ai une dette de 84 000. Comment ces opérations du grand livre se sont-elles traduites dans le livre journal ? Parce que normalement, le livre journal précède le grand livre. Alors regardez bien. Un livre journal se présente comme ceci. Il y a une première colonne qui indique le numéro de l'opération. y a une deuxième colonne qui indique la date de l'opération. Il y a une troisième colonne qui indique le numéro du plan comptable, PCMN. Et puis vous avez le libellé. Et puis vous avez une colonne débit et une colonne crédit. Sommes d'accord. Donc, que ce soit manuellement ou avec un logiciel, vous êtes obligé en tant qu'entreprise d'avoir deux livres, un livre journal et un grand livre. Le grand livre, c'est les comptes. Le livre journal, c'est ceci. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. Nous avons acheté des marchandises pour 100 000. Comment faut-il les enregistrer dans le livre journal? Eh bien, numéro de l'opération, c'est la première opération. La date, par exemple le 14 du 2. Les numéros du PCMN, on ne les connaît pas encore, parce qu'on ne les a pas encore écrits. Le libellé. Eh bien, nous avons achat de marchandises ou de fournitures. Et sur la même ligne que marchandises dans la colonne débit, on met 100 000. Alors prenez l'habitude, s'il vous plaît, pour éviter les erreurs pendant l'interrogation ou à l'examen, de mettre des séparateurs de nucléaires. 100 000. Parce que lorsque vous allez additionner, si vous ne mettez pas ce séparateur de milliers, il se peut que vous lisiez 1000 ou 10 000 ou 1 million. Tandis qu'avec un séparateur de milliers, vous ne pouvez pas vous bourrer. Donc, achat marchandise pour 100 000, TVA à récupérer pour 21 000, et un peu en retrait, on met un petit A, fournisseur, 121. Donc c'est exactement ce que nous avons fait dans le grand livre, que je fais dans le livre journal, sauf que je présente les opérations différemment. Donc en fait, le livre journal est prévu par le législateur pour un enregistrement chronologique. C'est par date. Et les opérations se suivent. Si on contrôle, on va vous demander votre livre journal. Parce qu'on va trouver les différentes pages qui se suivent et l'ensemble des opérations du 1er janvier au 31 décembre. Donc, achat marchandise, 100 000. TVA récupérer 21 000 à fournisseur 121. La somme des débits est égale à la somme des crédits. Deuxième opération, on a revendu cette même marchandise. Donc opération 2, imaginons le 15 du 2. On a, alors regardez bien, on a revendu pour 484 000. Donc nous avons le compte client. 484 000. À vente de marchandises. 400 000. Et TVA à payer. 84 000. Et donc vous voyez, c'est exactement l'opération que nous avons faite dans le grand livre. On a crédité le compte vente, les crédités, on a crédité la TVA payée et les crédités, et nous avons débuté le compte client. Troisième opération, on se fait payer par le client. Eh bien, quelle est juste cette opération et puis on arrête. Eh bien, imaginons opération 3, imaginons le 16 du 2. On se fait payer par le client, donc on recouvre la créance. Eh bien, vous avez cette opération site banque à client. Donc, 484 000. 484 000. Donc, le compte client que nous avions crédité parce que c'est un compte de l'actif qui diminue, vous est crédité ici. Le compte banque, nous l'avons débuté. Et si maintenant on paye le fournisseur, l'écriture va être fournisseur à banque. Fournisseur à banque. Pour la somme de 121 000. Donc fournisseur à banque, c'est la dernière opération. Voilà, bon appétit.